Ah, d'accord. Ok, Lucky, respect. CJ. Lucky Sound. Et au Maglite. Pimpon, c'est pas la police. Confiné, mais j'ai rencontré Iris. J'ai cliqué sur son profil abonné d'office. Je connais comment ça marche, je connais la notice. Oui, baby. Elle aime la façon dont je m'exprime. Ce soir, on est en mode Netflix and chill. Elle est sexy de sous Fendi. Oui, baby. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Et après minuit, oui, c'est l'heure du vis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Après minuit. Après minuit. Après minuit. Elle me trouve sucré, elle me trouve jute. Baki baki top sous ta jupe. Elle m'a dit attrape-moi si tu peux. Et peu importe si tu me juges. On fera du karaté et du judo. Et si t'es pas OP, appelle ton jumeau. Viens voir ce que j'ai sous mon jupon. Mais s'il te plaît, je veux pas entendre de jupon. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Et après minuit, oui, c'est l'heure du vis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Après minuit. Après minuit. Après minuit. Elle veut mon sirop de groseille. Elle veut mon sirop de groseille. Elle me trouve sucré. Sucre de cale. Elle me trouve sucré. Sucre de cale. Elle veut de mon lait. Lait de coco. Elle veut de mon lait. Lait de coco. Elle me trouve sucré. Sucre de cale. Elle me trouve sucré. Sucre de cale. Elle m'a dit, je suis douce, promis, juré. Sois gentil, veux-tu bien m'ajuster? Elle est galbée comme une jument. Mais toi, regarde à vous comme un adjudant. J'ai repéré au loin, j'ai pas eu besoin de jumelles. J'ai repéré de justesse. En un regard, tu seras subjugué. Allez, suis-moi, ensemble, on va conjuguer. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Et après minuit, oui, c'est l'heure du vis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis, j'ai mon tournevis. Tu as du vis. J'ai mon tournevis. Après minuit. Après minuit. Elle veut mon sirop.